Je ne suis pas à jour avec mes heures de nuit. Écrivain, mon cul. Quand est-ce que t'as écrit pour la dernière fois? Ben, hier, en fait, ma liste des courses de la semaine. Oh, ne prends pas ça à la légère pour autant. Ce n'est pas facile, tu sais, d'insérer un peu de poésie entre le bouquet de persil à la couleur des vertes prairies irlandaises, à la ciselure délicatement ouvragée et dentelée d'une coiffe bigoudaine, et le shampoing pour la douche et les cheveux qui provoquera des frissons d'une sensualité lascive selon les parties de votre corps qu'il caressera de sa douceur mousseuse. Et je ne te parle même pas de l'art de la liste. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, un vrai écrivain a écrit tout un livre tout à fait cohérent à ce sujet. En fait, je crois bien que c'est déjà là qu'elle débute la vocation de l'écrivain. Si tu sais, si tu es capable, de faire une liste de courses alliant le romantisme au pragmatisme, tu as déjà acquis une bonne partie des bases du métier. Pas besoin de licence de lettres supplémentaires. Et ne crois pas que ce soit à la portée du premier venu. J'écris donc, j'écris toute ma sainte semaine, j'écris beaucoup, j'écris partout, à tort et à travers, en haut, en bas, devant, derrière, en couleur, en noir et blanc, à la plume et au stylo, et même en rouge quand je réponds aux profs de ma fille, parce qu'il n'y a aucune raison que cette couleur lui soit réservée. Plus précisément, j'écris en haut à gauche tout ce qui est laitage, crème, beurre, fromage, lait, œufs, non point par ordre alphabétique, mais dans l'ordre de leur apparition dans les allées et les rayons de mon magasin habituel. C'est là qu'on réalisera que la fidélité est un élément indispensable à la prolongation de la vie. Je développe. Si vous êtes fidèle, vous ne perdez pas de temps pour, à chaque fois, remettre en route un nouveau processus. Nouveau mari, nouvelle femme, nouveau magasin, nouvelle marque à essayer, nouveau mode d'emploi à étudier. En conséquence de quoi, vous pouvez utiliser ce temps-là pour vous faire plaisir, au lieu de vivre un stress supplémentaire. Vos organes se fatiguent moins vite. Et voilà, c'est tout bénef, comme dirait l'autre. Je continue ma liste. De l'autre côté, toujours dans l'ordre, la papeterie, les produits de nettoyage, les sacs poubelles. Ah non, il faut les prendre à la caisse depuis qu'ils sont devenus payants. Tri des déchets oblige. Bref, les piles, le scotch de peintre, élément indispensable à la bonne marche de la maison, servant d'étiquette aussi bien que de rassembleur. Puis les éléments de base pour la pâtisserie, farine, raisin sec, sucre, vanille, cassonade. Ce qui a le don de m'entraîner immédiatement dans un maelstrom de sensations exotiques autant que diverses. Bain de minuit dans l'océan Indien, tea punch face au rocher du Diamant à la Martinique, visite des terrils de Charleroi et traversée d'un champ de betteraves sucrières du côté de Braine-l'Alleud, en Belgique. Mais tu les connais par cœur, ma parole ? Et tu fais tout ça de mémoire ? Pas étonnant que tu aies l'impression d'entrer en lévitation, comme certains bons tibétains, ni qu'on ne te revoie pas de sitôt à la maison, une fois que tu es parti dans tes grandes surfaces. Mais oui, j'aime bien y passer du temps, justement. Le temps, c'est la seule chose que je n'y achète pas dans ma grande surface, comme tu dis, mais que je m'octroie le plaisir de prendre sans aucun scrupule et en toute liberté. Sais-tu que pendant des années, ce furent les seuls moments de congé et de sérénité auxquels j'indulgeais? J'y étais à l'abri des hurlements de mes nourrissons, de ceux de la télévision et aussi des sons suraigus de la Syrie voisine. Là, il n'y a plus que la douce musique lénifiante et sirupeuse de Radio Nostalgie ou Chérie FM, à moins que ce ne soit couleur 3. Et parfois, ponctuellement, le rassurant discours du crooner de service vantant les mérites de la dernière lingette hygiénique. Jamais je n'exprimerai suffisamment de gratitude pour l'impression de fraîcheur prodiguée par les congélateurs géants pendant ces éprouvantes journées de canicule. Non plus que pour la douce chaleur au parfum envoûtant, ressentie devant les fours à pain frais, aussi frais le soir que le matin à l'ouverture du magasin. Et comment rester insensible au sort de ces millions d'esclaves égyptiens devant les subtils échafaudages de fruits et légumes? Plus besoin de traverser la Méditerranée pour voir des pyramides. Le rayon suivant est celui des pâtes. Et hop, c'est l'Italie entière que je visite, sans risque pour mon tour de taille. Plus loin sur la liste, les viandes. Aïe! Les prix n'ont toujours pas baissé, pour ou contre le végétarisme. Végétarisme ou végétalisme? Les avis divergent. Parfois je me dis, à quoi bon? Ils arriveront toujours à nous faire avaler ce qu'ils veulent. Entre parenthèses, sais-tu qu'aux États-Unis d'Amérique, tous les magasins de la chaîne Giant Food Store, par exemple, ont un aménagement rigoureusement identique, quel que soit l'état dans lequel ils se trouvent. C'est là que le fait d'établir une liste d'achats coïncidant avec la succession des rayons prend toute sa valeur. Rien à voir avec le joyeux bordel de nos cavernes d'Ali Baba occidentales, mais peut-être que ça leur facilite la surveillance à nos voisins d'outre-Atlantique. Allez hop, un petit tour dans l'enfer de la paranoïa. Entre images subliminales et organismes génétiquement modifiés, dans un pays où les vendeurs de machines à coudre se transforment la nuit en marchands d'armes, combien d'avions vendus à la Litanie? Combien de compromis acceptés pour pouvoir fourguer la marchandise en toute impunité? Avec l'accord officiel du gouvernement? As-tu remarqué la nuit dernière ces étranges silhouettes sur le quai de déchargement? Entends-tu nos impôts qui passent par-dessus nos têtes? Ces superbes FA-18? Chut! Passons au rayon suivant. Les vitamines et oligo-éléments. Tiens, toi qui parlais si volontiers de produits trafiqués, tu trouves ça normal qu'on en arrive à devoir compenser chimiquement ce qu'on ne trouve plus naturellement dans nos aliments de base? Évidemment que ce n'est pas normal. Il paraîtrait même que les Chinois, depuis qu'ils ne mangent plus de riz complet, ont retrouvé plein de charmantes maladies prétendument éradiquées de la planète bleue. Ah, la Chine! Parle-moi d'exotisme. Ça, c'est un rayon qui reste hélas encore trop petit dans mon magasin favori. Pourtant, il évoque chaque fois pour moi toutes les senteurs et les musiques d'une Asie incertaine. Nouilles sautées au bœuf, rouleaux de printemps, raviolis à la vapeur, beignets de crevettes. Je vois d'ici la procession aux abords du palais d'été, le long du lac Kunming, ou aux alentours de la colline de la longévité millénaire. J'admire la vue sur le bateau de marbre de l'impératrice Xixi. Je contemple ce jeune paysan qui pousse son buffle le long du fleuve jaune, à moins que ce ne soit la rivière des perles. Je respire la sérénité extraordinaire qui se dégage de ces tableaux et qui, périodiquement, me fait ressortir mon Yiking de ma bibliothèque. Quoi? On m'appelle? Oui, oui, je reviens. Pourquoi? Ah, une promo sur le salami transgénique? Ben non, je le prendrai pas. Il n'est pas sur ma liste. Ce texte audio gratuit vous a été lu par son auteur pour audiocité.net. Merci de l'avoir écouté.